bienvenue chers auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro à l'édition de la mi-journée de ce jeudi. Voici d'abord les titres. Analyse du projet de loi portant fixation du budget général de la République pour l'exercice 2022-2023 du Burundi par l'Assemblée nationale ce jeudi. Le président de la Cour des comptes, Élisée Ndaye, précise que les dépenses ont connu une forte évolution pour l'année 2022-2023 par rapport à la période précédente. Quant à l'action burundaise pour la reconstruction de l'Afrique, Abba exhorte l'Assemblée nationale à faire retourner son projet de loi. Le représentant de cette organisation le dit après avoir constaté que son budget a été majoré de plus de 40% par rapport au précédent. Et dans la rubrique économie, les employeurs devraient cesser d'exiger les expériences en matière d'emploi puisque l'expérience est acquise au travail. Suggestion du professeur Paul Bandelimbeko, un des participants aux assises des états généraux de l'éducation qui prennent fin ce jeudi. Nelly Kuyangana sur la mise en onde et à la présentation, vous êtes avec Ornella Mucho. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page économie, le projet de loi portant fixation du budget général de la République pour l'exercice 2022-2023 du Burundi est en train d'être analysé par l'Assemblée nationale. Selon l'exposé des motifs, ce projet est préparé dans un contexte particulier visant la migration du projet de budget de moyens vers le budget programme. Élisée Ndaye, président de la Cour des comptes, explique qu'ils ont constaté que les dépenses ont connu une forte évolution pour l'année 2022-2023 par rapport à la période de 2021-2022. Suivez-le. L'analyse des prévisions des recettes et des dépenses a été faite sous trois aspects. Alors, au niveau de l'évolution des prévisions des recettes d'abord, le constat que la Cour des comptes a fait, c'est que de 2021-2022 à 2022-2023, c'est-à-dire en passant d'un exercice à un autre, la Cour a constaté que il y a une forte évolution. Il est de 40,4%. Et ça ne pouvait pas d'ailleurs être autrement, étant donné les mesures fiscales qui ont été annoncées au niveau du premier chapitre. Si on essaie de comparer cette évolution avec l'évolution qu'on avait observée entre l'exercice 2020-21 et 2020-22, l'évolution était de 9,9%, alors que maintenant elle est de 40,4%. La Cour a essayé d'entrer en profondeur par catégorie de recettes, de grandes catégories, les produits fiscaux et les produits non fiscaux, mais aussi les produits exceptionnels. Au niveau des produits fiscaux, le constat que la Cour des comptes a fait, c'est que tous les produits fiscaux ont connu une évolution positive. Il y a même une recette qui a connu une évolution de 240,3%. C'est le prélèvement forfaitaire obligatoire. S'agissant des produits non fiscaux, là aussi, la Cour a constaté qu'ils ont connu une évolution positive. Tous les produits fiscaux ont connu une évolution positive. Il y a même une catégorie qui a atteint une évolution de 309,67%. La rubrique infraction à la réglementation commerciale. S'agissant des produits exceptionnels, là, c'est le cas inverse. Les produits exceptionnels ont connu une diminution. Là, comparativement aux autres recettes, c'est l'exception. Les produits exceptionnels ont connu une diminution. Si on essaie de voir alors la structure des recettes, pour voir si la structure a changé ou pas changé, exercice par exercice, le constat est que la structure des recettes n'a pas changé d'un exercice à l'autre. Dans cette même rubrique, l'organisation ABBA, Action burundaise pour la reconstruction de l'Afrique, exhorte l'Assemblée nationale à faire retourner le projet de loi portant fixation du budget de l'État, exercice 2022-2023. Le représentant de cette organisation trouve que son budget a été majoré de plus de 40% par rapport au précédent, au moment où la plupart des Burundais sont dans la pauvreté. Jean Bosco Ndereimana estime que cette augmentation va se répercuter sur les prix des produits de première nécessité. Suivez-le. Nous sommes vraiment très préoccupés par l'augmentation du budget de l'État. Et nous voyons que ce budget sera augmenté à plus de 40%, alors que la population burundaise est dans la pauvreté. Nous avons vu que le budget exercice 2021-2022, le budget était à plus de 1500 milliards. Et voilà maintenant que le budget qui est en cours déjà à l'Assemblée nationale s'élève à plus de 2200 milliards de francs. Nous voyons que aussi cet argent sera tiré des impôts et taxes des citoyens burundais qui est à majorité aujourd'hui pauvre. Alors nous disons ceci, nous aimerions à ce que les députés puissent revoir cette proposition et la remettre au gouvernement pour la reviser. Et nous voyons que ça va peser les prix sur le marché alors que le peuple burundais est dans la pauvreté. En plus, nous aimerions demander au gouvernement burundais de cesser à octroyer des exonérations aux grands commerçants. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les employeurs devraient cesser d'exiger les expériences en matière d'emploi, a insisté du professeur Paul Vandelembeko, un des participants aux assises des États généraux de l'éducation qui prennent fin ce jeudi. Il argumente qu'il sera impossible d'avoir l'expérience si on n'a pas eu un jour un point de départ. Quant au représentant des employeurs, il dit qu'un certificat devrait délivrer à la fin des stages dans une entreprise quelconque peut être considéré comme preuve d'expérience. Suivez-le. Nous constatons depuis pas mal de temps, et depuis longtemps, c'est d'ailleurs une habitude pour les entreprises, que quand elles veulent embaucher les personnes, elles demandent une expérience assez longue. Elles demandent une expérience de 5 ans, de 10 ans, voire même des performances que les jeunes n'ont pas encore eues et qu'ils devraient avoir en cours de travail. C'est ce que j'ai souligné, qu'en réalité, les entreprises ne devraient pas demander cette expérience parce qu'un étudiant n'a pas encore eu cette expérience, mais il va l'acquérir pendant qu'il est en train de travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les entreprises devraient changer de mentalité, qu'ils n'exigent pas cette expérience. Et je suis ravi que le vice-président de l'Association des employeurs ait répondu que maintenant, ils sont en train de changer et que maintenant, il faudrait peut-être tenir compte de l'attestation de stage, qui est quand même un élément important qui montre que l'étudiant a des connaissances et a des connaissances pratiques dans cette structure. Quand ils verront l'appel, ils présenteront cette attestation professionnelle de 6 mois et je pense que maintenant, les entreprises devraient tenir compte de cette attestation. Il faut qu'ils quittent cette conditionnalité d'avoir une expérience dans la fonction. Parce qu'on n'en est pas avec l'expérience. L'expérience, on l'acquiert. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, tous les accords signés avec le Rwanda sont suspendus. Cette décision a été prise lors d'une réunion d'un conseil de défense. Et le Mali commence à retirer ses soldats du G5 Sahel. Et en Ukraine, jeudi, le 16 juin, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand ainsi que le premier ministre italien sont arrivés dans la capitale ukrainienne ce jeudi. Les détails avec Audrey Akiman. À Kinshasa, le Conseil supérieur de la défense est réuni ce jeudi sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Au menu, il y avait la situation sécuritaire dans l'est du pays. D'importantes décisions ont été annoncées concernant principalement les relations avec le Rwanda, accusé de soutenir le M23. Selon le porte-parole du gouvernement, tous les accords et préaccords signés avec l'État rwandais sont suspendus. Comme nous le lisons sur le site internet de la RFI, Kigali est également appelé à retirer ses troupes du territoire congolais. Le Conseil supérieur de la défense a également appelé le gouvernement à mettre à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo plus de moyens logistiques pour pouvoir faire face à l'ennemi. Il a également remercié aussi à la population congolaise, notamment à la société civile de Goma, pour son soutien continu à l'armée. Et Bamako, c'est au Mali, avait annoncé le 5 mai son retrait du G5 Sahel, après avoir constaté que la présidence tournante de l'organisation, qui lui revenait en principe, ne lui était dans les faits pas accordée. Le G5 est une coalition à la fois politique et militaire qui rassemble, outre le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad, et dont l'un des principaux objectifs est la lutte contre le terrorisme. Le Tchad s'était pourtant efforcé de sauver le G5, demandant au Mali de revenir sur sa décision et s'activa pour trouver une issue à la crise. Mais les autorités maliennes n'ont pas changé de position. Elles viennent même de donner des instructions pour un désengagement des soldats maliens affectés à la force conjointe du G5 dans les tout prochains jours. C'est le chef d'état-major des armées du Mali qui en a donné l'ordre mardi 14 juin. Au total, près de 1400 hommes sur 5000 que compte la force conjointe du G5. Au 113e jour de l'invasion russe en Ukraine, jeudi 16 juin, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre italien Mario Draghi sont arrivés dans la capitale ukrainienne pour apporter le soutien des Européens face à l'agression russe. Le président français Emmanuel Macron a salué l'héroïsme des Ukrainiens à l'insu d'une brève visite d'Ilpin, une des banlieues de Kiev dévastée dans les premières semaines de l'invasion russe de l'Ukraine. Il déclare que l'Ukraine puisse résister et l'emporter et affirme qu'ils sont aux côtés des Ukrainiens et des Ukrainiennes sans ambiguïté. Merci Audrey Akimana pour ces détails. Et l'Union générale tunisienne du travail a lancé un appel à la grève dans le secteur public jeudi contre l'inflation. De concert avec l'opposition, la centrale syndicale accuse également le président Kaïs de renforcer sa main mise sur le pouvoir depuis jeudi, depuis plutôt juillet dernier. La grève concerne théoriquement quelque 3 millions de salariés et devrait paralyser 159 entreprises étatiques. Elle entraînera notamment l'annulation des vols. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.